en Flanders, 20e partie. En effet, le lendemain, elle lui apporta la montre et lui en donna 30 guinées, qui étaient plus que je n'eusse pu en faire, quoiqu'il paraît qu'elle avait coûté bien davantage. Il parla aussi quelque peu de sa perruque, qui lui avait coûté, paraît-il, 60 guinées, ainsi que de sa tabatière, et peu de jours après, elle les lui rapporta aussi, ce qui l'obligea infiniment, et il lui donna encore 30 guinées. Le lendemain, je lui envoyai sa belle épée et sa canne gratis et ne lui demandai rien. Alors il entra en une longue conversation sur la manière dont elle était venue à savoir toute cette affaire. Elle construisit une longue histoire là-dessus, comment elle l'avait su par une personne à qui j'avais tout raconté et qui devait m'aider à disposer des effets que cette confidence lui avait apportés, puisqu'elle était de sa profession brocanteuse. Qu'elle, apprenant l'accident de sa dignité, avait deviné tout ensemble de l'affaire, et qu'ayant les effets entre les mains, elle avait résolu de venir tenter ce qu'elle avait fait. Puis elle lui donna des assurances répétées, affirmant qu'il ne lui en sortirait jamais un mot de la bouche, et que, bien qu'elle connût fort bien la femme, c'était moi qu'elle voulait dire, cependant elle ne lui avait nullement laissé savoir quelle était la personne, ce qui d'ailleurs était faux. Mais il ne devait point lui en arriver d'inconvénient, car je n'en ouvris jamais la bouche à quiconque. Je pensais bien souvent à le revoir, et j'étais fâchée d'avoir refusé. J'étais persuadée que si je l'eusse vu et lui eusse fait savoir que je le connaissais, j'eusse pu tirer quelque avantage de lui et peut-être obtenir quelque entretien. Quoique ce fût une vie assez mauvaise, pourtant elle n'était pas si pleine de dangers que celle où j'étais engagée. Cependant, ces idées passèrent à la longue. Mais ma gouvernante le voyait souvent, et il était très bon pour elle, lui donnant quelque chose presque chaque fois qu'il la voyait. Une fois en particulier, elle le trouva fort joyeux, et ainsi qu'elle pensa, quelque peu excité de vin, et il la pressa encore de lui laisser revoir cette femme qui, ainsi qu'il disait, l'avait tant ensorcelée cette nuit-là. Ma gouvernante, qui, depuis le commencement, avait envie que je le revisse, lui dit qu'elle voyait que son désir était tellement fort qu'elle serait portée à y céder si elle pouvait obtenir de moi que je m'y soumisse, ajoutant que s'il lui plaisait de venir à sa maison le soir, elle s'efforcerait de lui donner satisfaction sur ses assurances répétées qu'il oublierait ce qui s'était passé. Elle vint me trouver, en effet, et me rapporta tout le discours. En somme, elle m'amena bientôt à consentir en un cas où j'éprouvais quelque regret d'avoir refusé auparavant. Si bien que je me préparais à le voir. Je m'habillai du mieux que je pus à mon avantage, je vous l'assure, et pour la première fois, j'usai d'un peu d'artifice. Pour la première fois, dis-je, car je n'avais jamais cédé à la bassesse de me peindre avant ce jour, ayant toujours assez de vanité pour croire que je n'en avais point besoin. Il arriva à l'heure fixée, et, ainsi qu'elle l'avait remarqué auparavant, il était clair encore qu'il venait de boire, quoiqu'il fût loin d'être ce qu'on peut appeler ivre. Il parut infiniment charmé de me voir et entra dans un long discours avec moi sur toute l'affaire. J'implorai son pardon à maintes reprises pour la part que j'y avais eue, protestai que je n'avais point entretenu de tels desseins quand d'abord je l'avais rencontré, que je ne serais pas sorti avec lui si je ne l'eusse pris pour un gentilhomme fort civil, et s'il ne m'eût fait si souvent la promesse de ne rien tenter qui fût indécent. Il s'excusa sur le vin qu'il avait bu, et qu'il savait à peine ce qu'il faisait, et que s'il n'en eût pas été ainsi, il n'eût point pris avec moi la liberté qu'il avait fait. Il m'assura qu'il n'avait point touché d'autre femme que moi depuis son mariage, et que ça avait été pour lui une surprise. Me fit des compliments sur le grand agrément que je lui donnais, et autre chose semblable, et parla si longtemps en cette façon, que je trouvai que son animation le menait en somme à l'humeur de recommencer. Mais je le repris de court. Je lui jurai que je n'avais point souffert d'être touché par un homme depuis la mort de mon mari, c'est à savoir de 8 ans ça. Il dit qu'il le croyait bien, et ajouta que c'était bien ce que madame lui avait laissé entendre, et que c'était son opinion là-dessus qui lui avait fait désirer de me revoir, et que, puisqu'il avait une fois enfreint la vertu avec moi, et qu'il n'y avait point trouvé de fâcheuses conséquences, il pouvait en toute sûreté s'y aventurer encore. Et, en somme, il en arrivait là où j'attendais, qui ne saurait être mis sur papier. Ma vieille gouvernante l'avait bien prévu, autant que moi. Elle l'avait donc fait entrer dans une chambre où il n'y avait point de lit, mais qui donnait dans une seconde chambre où il y en avait un. Nous nous y retirâmes pour le restant de la nuit. Et, en somme, après que nous eûmes passé quelque temps ensemble, il se mit au lit et y passa toute la nuit. Je me retirai, mais revins, toute déshabillée, avant qu'il fût jour, et demeurai à coucher avec lui jusqu'au matin. Quand il partit, je lui dis que j'espérais qu'il se sentait sûr de n'avoir pas été volé. Il me dit qu'il était pleinement satisfait là-dessus, et, mettant la main dans la poche, me donna 5 guinées, qui était le premier argent que j'eusse gagné en cette façon depuis bien des années. Je reçus de lui plusieurs visites semblables, mais il n'en vint jamais proprement à m'entretenir, ce qui m'aurait plu bien mieux. Mais cette affaire eut sa fin elle aussi, car au bout d'un an environ, je trouvai qu'il ne venait plus aussi souvent, et enfin il cessa tout à fait, sans nul désagrément ou sans me dire adieu. De sorte que là se termina cette courte scène de vie qui m'apporta peu de choses vraiment, sinon pour me donner plus grand sujet de me repentir. Durant tout cet intervalle, je m'étais confiné la plupart du temps à la maison. Du moins suffisamment pourvu, je n'avais point fait d'aventure, non, de tout le quart d'une année. Mais alors, trouvant que le fonds manquait, et, répugnant à dépenser le capital, je me mis à songer à mon vieux métier et à regarder autour de moi dans la rue. Et mon premier pas fut assez heureux. Je m'étais vêtu d'habits très pauvres, car, ayant différentes formes sous lesquelles je paraissais, je portais maintenant une robe d'étoffe ordinaire, un tablier bleu et un chapeau de paille. Et je me plaçai à la porte de l'hôtellerie des 3 Coupes dans St. John Street. Il y avait plusieurs rouliers qui descendaient d'ordinaire à cette hôtellerie, et les coches à relais pour Barnet, Totteridge et autres villes de cette région étaient toujours là dans la rue, le soir, au moment qu'il se préparait à partir. De sorte que j'étais prête pour tout ce qui se présenterait. Voici ce que je veux dire. Beaucoup de gens venaient à ces hôtelleries avec des ballots et de petits paquets, et demandaient tels rouliers ou coches qu'il leur fallait pour les porter à la campagne. Et d'ordinaire, il y a devant la porte des filles, femmes de crocheteurs ou servantes, qui attendent pour porter ces paquets pour ceux qui les y emploient. Il arriva assez étrangement que j'étais debout devant le porche de l'hôtellerie et qu'une femme qui se tenait là déjà avant et qui était la femme d'un crocheteur au service du coche de Barnett, m'ayant remarqué, me demanda si j'attendais point aucun des coches. Je lui dis que oui, que j'attendais ma maîtresse qui allait venir pour prendre le coche de Barnett. Elle me demanda qui était ma maîtresse, et je lui dis le premier nom de dame qui me vint à l'esprit, mais il paraît que je tombai sur un nom qui était le même que celui d'une famille demeurant à Hadley, près de Barnett. Je ne lui en dis point davantage, ni elle à moi, pendant un bon moment. Mais d'aventure, quelqu'un l'ayant appelée à une porte un peu plus loin, elle me pria, si j'entendais personne demander le coche de Barnett, de venir la chercher à cette maison, qui, paraît-il, était une maison de bière. Je lui dis, oui, bien volontiers, et la voilà partie. À peine avait-elle disparu, que voici venir une fille et une enfant, suant et soufflant, qui demandent le coche de Barnett. Je répondis tout de suite, « C'est ici. »« Est-ce que vous êtes au service du coche de Barnett ?» dit-elle. « Oui, mon doux cœur, dis-je, qu'est-ce qu'il vous faut ?»« Je voudrais des places pour deux voyageurs, » dit-elle. « Où sont-ils, mon doux cœur ?» dis-je. « Voici la petite fille, » dit-elle. « Je vous prie de la faire entrer dans le coche et je vais aller chercher ma maîtresse. » « Hâtez-vous donc, mon doux cœur, lui dis-je, ou tout sera plein. » Cette fille avait un gros paquet sous le bras. Elle mit donc l'enfant dans le coche en même temps. « Vous feriez mieux de poser votre paquet dans le coche en même temps. »« Non, dit-elle, j'ai peur que quelqu'un l'enlève à l'enfant. »« Alors donnez-le-moi, dis-je. »« Prenez-le donc, dit-elle, et jurez-moi d'y faire bien attention. » « J'en réponds, dis-je, quand il vaudrait 20 livres. « Là, prenez-le donc, dit-elle, et la voilà partie. » Sitôt que je tins le paquet et que la fille fut hors de vue, je m'en vais vers la maison de bière où était la femme du crocheteur. De sorte que si je l'avais rencontrée, j'aurais paru seulement venir pour lui remettre le paquet et l'appeler à ses affaires, comme si je fusse forcé de partir, ne pouvant attendre plus longtemps. Mais comme je ne la rencontrais pas, je m'en allai, et tournant dans Charterhouse Lane, je traversai Charterhouse Yard pour gagner Long Lane. Puis j'entrai dans le clos Saint-Barthélemy, de là dans Little Britain, et à travers Bluecoat Hospital, dans Newgate Street. Pour empêcher que je fusse reconnu, je détachai mon tablier bleu et le roulai autour du paquet qui était enveloppé dans un morceau d'indienne. J'y roulai aussi mon chapeau de paille et je mis le paquet sur ma tête. Et je fis très bien, car passant à travers Bluecoat Hospital, qui rencontrai-je sinon la fille qui m'avait donné à tenir son paquet? Il semble qu'elle s'en allât avec sa maîtresse, qu'elle était allée chercher au coche de Barnett. Je vis qu'elle était pressée, et je n'avais point affaire de la retenir. De sorte que la voilà partie, et j'apportai mon paquet très tranquillement à ma gouvernante. Il ne contenait point d'argent, de vaisselle plate ou de joyaux, mais un très bel habit de dama d'Inde, une robe et un jupon, une coiffe de dentelle et des manchettes en très belle dentelle des Flandres, et quelques autres choses telles que j'en savais fort bien la valeur. Ce n'était pas là vraiment un tour de ma propre invention, mais qui m'avait été donné par une qui l'avait pratiqué avec succès. Et ma gouvernante en fut infiniment charmée, et vraiment, je l'essayai encore à plusieurs reprises, quoique jamais deux fois de suite près du même endroit. Car la fois suivante, je l'essayai dans Whitechapel, juste au coin de Petticoat Lane, là où se tiennent les coches qui se rendent à Stratford et à Bow, et dans cette partie de la campagne. Et une autre fois au cheval volant, juste à l'extérieur de Bishopsgate, là où remisaient à cette époque les coches de Cheston, et j'avais toujours la bonne chance de m'en aller avec quelque aubaine. Une autre fois, je me postai devant un magasin près du bord de l'eau, où viennent les navires côtiers du Nord, tels que Newcastle-sur-Tyne, Sunderland et autres lieux. Là, le magasin étant fermé, arrive un jeune homme avec une lettre. Et il venait chercher une caisse et un panier qui étaient arrivés de Newcastle-sur-Tyne. Je lui demandai s'il en avait les marques. Il me montre donc la lettre, en vertu de laquelle il devait réclamer l'envoi et qui donnait une liste du contenu. La caisse était pleine de linge et le panier de verrerie. Je lus la lettre et pris garde de voir mon nom et les marques et le nom de la personne qui avait envoyé les marchandises et le nom de la personne à qui elles étaient expédiées. Puis je priai le jeune homme de revenir le lendemain matin, le garde-magasin ne devant point être là de toute la nuit. Me voilà vite parti écrire une lettre de M. John Richardson de Newcastle à son cher cousin Jamie Cole, à Londres, dans laquelle il l'avisait qu'il lui avait expédié par tel navire, car je me rappelais tous les détails à un cheveu près, tant de pièces de gros linge et tant d'aunes de toile de Hollande, et ainsi de suite dans une caisse et un panier de verrerie de cristal de la verrerie de M. Angel, et que la caisse était marquée LC numéro 1, et que le panier portait l'adresse sur une étiquette attachée à la corde. Environ une heure après, je vins au magasin où je trouvai le garde et me fis délivrer les marchandises sans le moindre scrupule, la valeur du linge étant d'à peu près 22 livres. Je pourrais remplir tout ce discours de la variété de telles aventures que l'invention journalière me suggérait et que je menais avec la plus extrême adresse et toujours avec succès. À la fin, ainsi qu'on dit, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Je tombai en quelques embarras qui, malgré qu'ils ne pussent me toucher fatalement, pourtant me firent reconnaître, chose qui n'était seconde en désagrément pour moi qu'au jugement de culpabilité même. J'avais adopté pour déguisement l'habit d'une veuve. C'était sans avoir en vue aucun dessein proprement dit, mais seulement afin d'attendre ce qui pouvait se présenter, ainsi que je faisais souvent. Il arriva que, tandis que je passais le long d'une rue de Covent Garden, il se fit un grand cri d'au voleur, au voleur. Quelques artistes avaient, paraît-il, jouaient le tour à un boutiquier. Et comme elles étaient poursuivies, les unes fuyaient d'un côté, les autres de l'autre. Et l'une d'elles était, disait-on, habillée en veuve avec des vêtements de deuil. Sur quoi la foule s'amassa autour de moi, et les uns dirent que j'étais la personne, et d'autres que non. Immédiatement survint un des compagnons du mercier, et il jura tout haut que c'était moi la personne, et ainsi me saisit. Toutefois, quand j'eus été ramené par la foule à la boutique du mercier, le maître de la maison dit franchement que ce n'était pas moi la femme, et voulut me faire relâcher sur le champ, mais un autre garçon dit gravement « Attendez, je vous prie, que M, c'était le compagnon, soit revenu, car il la connaît, de sorte qu'on me garda près d'une demi-heure. » On avait fait venir un commissaire, et il se tenait dans la boutique pour me servir de geôlier. En causant avec le commissaire, je lui demandai où il demeurait et le métier qu'il faisait. Cet homme, n'appréhendant pas le moins du monde de ce qui survint ensuite, me dit sur le champ son nom et l'endroit où il vivait. Et me dit, par manière de plaisanterie, que je serais bien sûre d'entendre son nom quand on me mènerait à Old Bailey. Les domestiques d'eux-mêmes me traitèrent avec effronterie, et on eut toutes les peines du monde à leur faire ôter les mains de dessus moi. Le maître, en vérité, se montra plus civil, mais il ne voulut point me lâcher, quoiqu'il convînt que je n'avais pas été dans sa boutique. Je commençai de relever la tête avec un cès d'insolence et lui dis que j'espérais qu'il ne serait point surpris si je réclamais satisfaction de ses offenses, et que je le priais de faire rechercher mes amis afin que justice me fût rendue. « Non, dit-il, c'était une chose dont il ne pouvait me donner la liberté. Je la pouvais demander quand je viendrais devant la justice de paix. Et, puisqu'il voyait que je le menaçais, il ferait bonne garde sur moi, cependant, et veillerait à ce que je fusse mise à l'ombre dans Newgate. Je lui dis que c'était son temps maintenant, mais que ce serait le mien tout à l'heure, et je gouvernais ma colère autant qu'il me fut possible. Pourtant je parlai au commissaire, afin qu'il appelât un commissionnaire. Ce qu'il fit, et puis je demandai plume, encre et papier, mais ils ne voulurent point m'en donner. Je demandai au commissionnaire son nom et où il demeurait, et le pauvre homme me le dit bien volontiers. Je le priai de remarquer et de se rappeler la manière dont on me traitait là, qu'il voyait qu'on m'y détenait par force. Je lui dis que j'aurais besoin de lui dans un autre endroit et qu'il n'en serait pas plus mal s'il y savait parler. Le commissionnaire me dit qu'il me servirait de tout son cœur. « Mais, madame, dit-il, souffrez que je les entende refuser de vous mettre en liberté, afin que je puisse parler d'autant plus clairement. » Là-dessus, je m'adressai à haute voix au maître de la boutique et je lui dis « Monsieur, vous savez en âme et conscience que je ne suis pas la personne que vous cherchez et que je ne suis pas venu dans votre boutique tout à l'heure. Je demande donc que vous ne me déteniez pas ici plus longtemps ou que vous me disiez les raisons que vous avez pour m'arrêter. » Cet homme là-dessus devint plus arrogant qu'avant et dit qu'il ne ferait ni l'un ni l'autre jusqu'à ce qu'il le jugeât bon. Fort bien, dis-je au commissionnaire et au commissaire. Vous aurez l'obligeance de vous souvenir de ces paroles, messieurs, une autre fois. Le commissionnaire dit, oui, madame. Et la chose commença de déplaire au commissaire, qui s'efforça de persuader au Mercier de me congédier et de me laisser aller, puisque, ainsi qu'il disait, il convenait que je n'étais point la personne. « Mon bon monsieur, dit le Mercier goguenardant, êtes-vous juge de paix ou commissaire? Je l'ai remise entre vos mains, faites votre service, je vous prie. » Le commissaire lui dit, un peu piqué, mais avec assez d'honnêteté, « Je connais mon service et ce que je suis, monsieur. Je doute que vous sachiez parfaitement ce que vous faites à cette heure. » Ils eurent encore d'autres paroles acides, et cependant les compagnons, impudents et malhonnêtes au dernier point, me traitèrent avec barbarie. Et l'un d'eux, le même qui m'avait saisi d'abord, prétendit qu'il voulait me fouiller et commença de mettre les mains sur moi. Je lui crachai au visage, j'appelai à haute voix le commissaire et le priai de noter soigneusement la façon dont on me traitait. « Et je vous prie, monsieur le commissaire, dis-je, de demander le nom de ce coquin. » Et j'indique l'homme. Le commissaire lui infligea une semonce polie, lui dit qu'il ne savait ce qu'il faisait, puisqu'il voyait que son maître reconnaissait que je n'étais point la personne. « Et, dit le commissaire, je crains bien que votre maître ne nous mette, lui et moi, tout ensemble dans la peine, si cette dame vient à prouver qui elle est, où elle était, et qu'il paraisse clairement que ce n'est pas la femme que vous prétendez. « Sacre Dieu !» dit encore l'homme, avec une insolente face endurcie. « C'est bien la dame, n'ayez crainte. Je jure que c'était la même personne qui était dans la boutique, et je lui ai mis dans la main même la pièce de satin qui est perdue. Vous en saurez davantage quand Monsieur William et Monsieur Anthony, c'était d'autres compagnons, vont entrer. Ils la reconnaîtront aussi bien que moi. » Juste au moment où l'impudent coquin parlait ainsi au commissaire, voici que rentrent Monsieur William et Monsieur Anthony, comme il les appelait, et un ramas de populace avec eux, qui amenait la vraie veuve qu'on prétendait que j'étais. Et ils arrivèrent suant et soufflant dans la boutique. Et traînant la pauvre créature avec infiniment de triomphe, et de la manière la plus sanguinaire jusqu'à leur maître, qui était dans l'arrière-boutique, ils s'écrièrent à haute voix. « Voilà la veuve, monsieur, nous l'avons attrapée à la fin. »« Que voulez-vous dire ? » dit le maître. « Mais nous l'avons déjà, la voilà assise là-bas. » « Et monsieur affirme qu'il peut jurer que c'est elle. » L'autre homme, qu'on appelait monsieur Anthony, répliqua. « Monsieur peut dire ce qui lui plaît et jurer ce qui lui plaît, mais voilà la femme et voilà ce qui reste du satin qu'elle a volé. Je l'ai tiré de dessous ses jupes avec ma propre main. » Je commençai maintenant à perdre un peu de cœur, mais souris et ne dis rien. Le maître devint pâle. Le commissaire se retourna et me regarda. « Allez, monsieur le commissaire, dis-je, laissez donc faire, allez !» Le cas était clair et ne pouvait être nié, de sorte qu'on remit entre les mains du commissaire la véritable voleuse, et le Mercier me dit fort civilement qu'il était fâché de l'erreur, et qu'il espérait que je ne la prendrais point en mauvaise part. Qu'on leur jouait tous les jours tant de tours de cette nature, qu'il ne fallait point les blâmer s'ils mettaient autant d'exactitude à se rendre justice. « Ne point la prendre en mauvaise part, monsieur, dis-je, et comment la pourrais-je prendre en bonne? Si vous me siez relâché, quand votre insolent maraud m'eût saisi dans la rue, traîné jusqu'ici, et que vous reconnûtes vous-même que je n'étais pas la personne, j'aurais oublié l'affront, et je ne l'aurais nullement prise en mauvaise part, en considération des mauvais tours que je crois qu'on vous joue fort souvent. Mais la manière dont vous m'avez traité depuis ne se saurait supporter, non plus surtout que celle de votre valet. Il faut que j'en aie réparation et je l'obtiendrai. » Alors il commença de parlementer avec moi, dit qu'il me donnerait toute satisfaction raisonnable, et il aurait bien voulu que je lui dise ce que c'était que j'exigeais. Je lui dis que je ne voulais pas être mon propre juge, que la loi déciderait pour moi, et que, puisque je devais être mené devant un magistrat, je lui ferais entendre là ce que j'avais à dire. Il me dit qu'il n'y avait point d'occasion d'aller devant la justice à cette heure, que j'étais en liberté d'aller où il me ferait plaisir, et, s'adressant au commissaire, lui dit qu'il pouvait me laisser aller, puisque j'étais déchargé. Le commissaire lui répondit tranquillement. « Monsieur, vous m'avez demandé tout à l'heure si j'étais commissaire ou juge de paix. Vous m'avez ordonné de faire mon service, et vous m'avez mandé cette dame comme prisonnière. À cette heure, monsieur, je vois que vous n'entendez point mon service, puisque vous voudriez faire de moi un juge vraiment. Mais je suis obligé de vous dire que cela n'est point en mon pouvoir. J'ai droit de garder un prisonnier quand on me l'a mandé, mais c'est la loi, et le magistrat seulement, qui peuvent décharger ce prisonnier. Par ainsi, vous vous trompez, monsieur. Il faut que je l'emmène maintenant devant un juge, que cela vous plaise ou non. »